Chapitre 14. Le maladroit y a droit. Arrivé à Salon, on déambule dans les ruelles étroites du vieux quartier situé sous le château de l'Empérie. L'air sent l'humidité, les champignons, un peu la merde, et l'eau de Javel. Certains immeubles ont les fenêtres murées. Pourtant, ces ruelles renferment des trésors d'architecture renaissance, des tailles, dont nous nous battons complètement les flancs tous les deux. Parvenu à l'adresse indiquée d'après la carte grise, je tambourine sur une porte vieille peut-être de 400 ans. Rien. Nous nous reculons tous deux pour observer les fenêtres de la façade, le nez en l'air. Michaud recommence à tambouriner. Dégain. Soudain, une vieille apparaît sur le seuil de la maison d'en face et balance un grand seau d'eau dans la ruelle. « Oh, pauvre! Vous pouvez taper tant que vous voudrez, couillon. Il y a deux mois qu'il n'y a plus dégain dans la maison. » Ils sont partis. La baraque ne tient plus debout. Et où ils ont été? Boudiou, est-ce que je sais, moi? Allez demander à la mairie ou aux gendarmes. Commissaire Volpi, madame, dis-je en montrant ma carte. Connaissez-vous un certain San Lucas? Que si. Mais alors lui, ça fait au moins un an qu'il habite plus là. Mais c'est un carac, ce type. Ce n'est pas notre jour, Michaud. On fait chou blanc à chaque coup. Si nous allions tout de même à la gendarmerie et à la mairie, t'as raison, ça mange pas de pas. Malheureusement, les deux visites sont infructueuses et le San Lucas en question est inconnu au bataillon, sauf pour le fichier des cartes grises. Avec tout ça, il est 2 heures de l'après-midi et on décide de faire une petite halte à Saint-Cana pour manger un morceau. Jusqu'au retour au commissariat, Michaud ne pose plus de questions et la conversation roule sur le voyage du général de Gaulle en URSS que Michaud compare à Tintin chez les soviets. Vers 4 heures, j'appelle Sylvia. Je sais qu'elle n'a pas cours l'après-midi et prie pour qu'elle soit à la maison. « Écoute, je vais avoir besoin de toi. Voilà ce que tu vas faire. » Vers 5h30, je prends ma chambord pour rentrer chez moi à la ferme. Sur la route, je remarque comme d'habitude la déesse attachée à moi comme un morpion. Je ralentis pour que la poursuite soit plus facile encore. Arrivé à un endroit, j'enfile ma chambord dans un chemin vicinal et ralentis encore. Une seconde plus tard, la déesse fait son apparition dans le chemin creux. Je stoppe, descends de la bagnole et me place en protection à l'avant de la chambord. Au même moment, une 404 pénètre à son tour dans le chemin, bloquant ainsi la déesse. Sylvia descend de la Peugeot côté passager et se couche à plat ventre dans le champ. Je sors mon Beretta. Je vais enfin savoir qui conduit la déesse. Comprenant qu'il est piégé, le conducteur reste immobile derrière son volant. Je surgis de mon abri et avance, pointant le flingue sur le pare-brise de la déesse. Le conducteur fait monter les suspensions de sa bagnole qui ressemble alors à un félin prêt à bondir. Il embraye sec et fonce droit sur moi qui m'écarte tout en faisant feu avant d'effectuer un roulé-boulé. Le pare-brise de la déesse a été atteint côté passager. La bagnole fonce à travers champs cahotant, son conducteur tressentant derrière son volant. Il rejoint le chemin derrière la 404 et reprend la départementale. Arrivé sous le goudron, la déesse pile les 4 roues et par la fenêtre ouverte, le mec tire encore 3 cartouches dans ma direction. Merde, je pense, il va me trouver la bagnole. Quant à moi, planqué à ras de terre, il serait difficile de m'atteindre. Puis la déesse repart en écrasant sa croupe à fond les ballons en direction d'Aix. Je bondis dans la 404 pour lui filer le train, mais Sylvia enlevait les clés de contact. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a foutu, quelle conne! Déçu, contrarié à Max, je m'affale sur le volant. Je sais que c'est trop tard, et que de toute façon, la 404 ne tient pas suffisamment la route pour pouvoir attraper la déesse. C'est un coup à me retrouver à la morgue. Tu n'es pas blessé, Bello? Non, ça va. Mais pourquoi tu as enlevé les clés? Merde alors! Parce que moi, à sa place, j'aurais tenté de piquer la 404 et de partir avec. Et puis j'ai peur qu'il me prenne en otage. Logique, tu m'étonneras toujours. Excuse pour la façon dont je t'ai parlé. Alors, tu es fixé? Oui, c'est bien vernieux, je ne m'étais pas trompé. Il va falloir faire gaffe, car il va essayer certainement autre chose. En tout cas, il ne manque pas de courage, ce mec. Heureusement pour lui que tu vises mal. Mais, pauvre fadade, j'ai fait exprès. Je ne voulais pas le tuer, mais lui faire peur pour qu'il stoppe. Eh ben, il a dû avoir la trouille de sa vie, à l'heure qu'il est, il est peut-être enroulé autour d'un platane. Voilà ce que te dit la fadade. Excuse encore. Tu vas signaler la voiture à tes collègues? Oui, mais pour l'instant, je n'en parle pas au juge. C'est une affaire privée. Un règlement de compte. Bien, rentrons. Et fais gaffe, on ne sait jamais. Roule devant, je passe derrière. » De retour à la ferme, Sylva et moi vérifions toutes les fermetures et plaçons les deux voitures dans la grange soigneusement fermée. En tout cas, je pense que Vergnieux ne sait toujours pas où j'habite, sinon il nous aurait attendus ici tranquillement. Pour nous deux, la nuit s'est passée fébrilement, sur le qui-vive. Je me suis endormi sur le tard, vers 3 heures du matin, et j'ai eu un cauchemar affreux. Vergnieux m'avait tiré une balle dans la bouche, et j'étais en train de m'étouffer avec mon propre sang.